Je viens de dépasser un poids lourd. Je n'ai pas l'intention de prendre cette sortie. Je ne dois pas rester dans cette voie, sauf si les usagers devant moi avaient une vitesse inférieure à la mienne, me laissant la possibilité de les dépasser. Cette ligne de dissuasion n'interdit pas de se rabattre dans la voie de droite. Elle dissuade les conducteurs de se rabattre ici pour prendre la sortie. Ce qui se justifie dans la mesure où un certain nombre de panneaux ont annoncé cette sortie et que le bon comportement est de s'y insérer par la droite dans le prolongement de la voie de décélération. Réponse B.